Mais ouais, je me rends compte que moi, mettre un X sur une case où le vote s'en va à Pauline Marois, c'est un blocage majeur. Je peux pas. Je suis désolé, là. Je suis vraiment désolé pour un gars que j'aime bien, mais je peux pas passer par-dessus. C'est plate parce que le comté se rend de bonne main. Ça en est un autre exemple. Je sais. Tu votes Guimond au poste de député, Legault premier ministre. Je trouve ça cruel pour le monde de Montmorency parce que le choix, il est pas évident à faire. Je trouve qu'on a toutes les pires circonstances, là, tu sais. Ouais. Faut qu'on règle ça, à un moment donné, hein. On a un vieux libéral dans ce que ça a de positif et négatif. On a une candidate très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très discrète de la CAQ. On a Adrien Pouliot du Parti conservateur. Moi, dans le cas précis, puis j'aurai probablement l'opportunité de lui dire dans les prochains jours, mais je pense que la marque est brûlée. Part quelque chose, c'est un autre nom. On l'appelle ça Coco Cerise, Ketchup, je sais pas, là, mais Parti conservateur du Québec, pour moi, c'est brûlé. Ben, il change de nom. Hein. Oui. T'as raison, parce que je pense que le gars du potentiel, j'aimerais ça le voir à l'Assemblée nationale. Ben, oui. Amir Kadir est à l'Assemblée nationale. Ben, on s'entend que la porte est ouverte. Là. On le reçoit d'ailleurs demain, Adrien Pouliot. C'est demain? Là. On nous le demande très souvent. Là. Puis vous l'entendez aussi dans le show de Morel, vous l'entendez ailleurs aussi. Là. Mais je sais qu'il y a des auditeurs du show du matin qui nous le demandent. Mais demain, Adrien Pouliot va être dans nos studios. Mais la réalité cruelle, là. C'est peut-être cruel, mais la réalité, là, c'est qu'Adrien Pouliot fait triper 0,1% du monde, mais il trippe fort. Oui, sauf que son discours il y a un discours intéressant, là, je veux dire. Faire un ménage dans l'État. Puis... Je vais reprendre mon exemple. On donne du temps d'antenne. Il y a même des gens qui sont au débat pour Québec solidaire. Tu sais, Québec solidaire. Ben oui, François. Adrien Pouliot, c'est pas des bouffonneries, là. Non. Québec solidaire, c'est un parti de clown. C'est n'importe quoi. Puis je comprends, on a besoin d'humour dans une campagne électorale. C'est nécessaire. Ouais. On l'a vu hier. Hein? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ce soir, c'est le premier débat. Ça va être intéressant. Ben oui. Petite bouteille de vin, on écoute ça. Ça va être pas mal ça. Puis je viens de vous donner les chiffres dans la région de Québec. Selon le sondage Ipsos CTV, là. J'ai hâte de voir dans la région de Québec l'effet que ça va avoir, le débat, là. Oui. D'après moi, dans le débat, Pauline n'est pas de taille, là. Celui qui risque d'être le meilleur ce soir parmi les trois chefs, c'est François Legault. Il y a rien à perdre. Ce gars-là est désespéré. Moi, je pense que ça va être lui le meilleur ce soir. Je trouve Philippe Couillard dans une forme redoutable depuis quelques jours. Il est de mieux en mieux. Je suis obligé de te dire qu'il est de mieux en mieux. Ma prédiction pour ce soir, c'est Philippe Couillard qui gagne le débat. Ah oui, intéressant. J'ai l'impression que dans le débat, comme dans la campagne électorale, François Legault est déjà un peu écarté et ça s'est passé sur nos ondes hier matin. Qu'est-ce qu'il a fait Philippe Couillard? Hier? Ouais. Il m'a dit rien à faire. Ça a brassé hier, hein? Là, après qu'il soit venu ici, là. D'ailleurs, notre entrevue est reprise dans à peu près tous les médias ce matin. Même Le Devoir a repris notre entrevue d'hier avec Philippe Couillard. La beauté de Radio X, c'est quand Philippe Couillard vient s'asseoir ici, il se sent à l'aise d'utiliser le mot fourré, entre autres choses, puis ça fait capoter tous les journalistes. Oui, on va l'écouter d'ailleurs. Vois-tu dans Le Devoir, Robert Dutrisac, pardon. C'est pas Isabelle Porter, là, c'est Dutrisac, celui qui suit la politique provinciale. Il reprend notre bout sur la règle du 50% plus 1. Allez voir ça en page A2 du Devoir, si vous l'avez, là.